Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 154. Des espèces diverses de la luxure. Division de la luxure. La fornication, sa gravité, acte qui s'y rapporte. Sensation nocturne, stupre, rapte, adultère. Inceste, sacrilège, péché contre nature, ordre de gravité dans ces péchés. 1. Peut-on diviser la luxure en plusieurs espèces? On divise la luxure en 6 espèces, savoir, la fornication simple, l'adultère, l'inceste, le stupre, le rapte et le vice contre nature. La fornication simple, union de deux personnes libres, est contraire à la bonne éducation des enfants. L'adultère trahit la foi du mariage. L'inceste blesse le respect dû à une femme parente ou alliée. Le stupre viole les droits des parents d'une jeune personne. Le rapte ajoute la violence au stupre. Le vice contre nature, opposé à la fin même des plaisirs de la chair, empêche la génération. Les autres genres de luxure, le sacrilège, violation d'un vœu, les embrassements, etc., se ramènent à l'une de ces 6 espèces. 2. La fornication est-elle un péché mortel? Saint Paul, après avoir parlé de la fornication et de plusieurs autres péchés, dit « Ceux qui commettent ces fautes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Galates 5, 21. Sans parler du désordre de la concupiscence, la fornication, s'accomplissant dans des conditions nuisibles à la vie de l'enfant qui va naître, blesse l'amour du prochain. En effet, un enfant a besoin, non seulement de sa mère pour le nourrir, mais encore de son père, qui doit l'instruire, le protéger, lui assurer, en un mot, les biens de l'âme et du corps. Loin qu'il soit conforme aux lois de la nature que l'homme s'unisse à une femme passagèrement, il faut, au contraire, une union qui dure longtemps, et même toute la vie. D'ailleurs, parmi des alliances vagues et indéterminées, les hommes ne connaîtraient point leurs propres enfants, à l'éducation desquels ils sont obligés de pourvoir. C'est pourquoi le mariage est de droit naturel, bien qu'ils doivent, comme tout ce qui intéresse le bien général, tomber sous la détermination de la loi humaine, nous le dirons en traitant du sacrement de mariage. Concluons seulement ici que l'union des sexes en dehors du mariage est contraire à la bonne éducation de l'enfant, elle est, dès lors, un péché mortel. Vainement on alléguerait que l'on a suffisamment pourvu à cette éducation, la loi qui défend la fornication est fondée sur ce qui arrive communément, et non sur un cas particulier. 3. La fornication est-elle le plus grave des péchés? La fornication n'est pas le plus grand des péchés, Saint Grégoire nous a déjà dit que les péchés de la chair sont moins coupables que ceux de l'esprit, bien qu'elles soient d'un genre plus grave que les péchés qui, comme le vol, ne sont opposés qu'aux biens extérieurs, elle n'est pas plus criminelle que le blasphème, qui se commet directement contre Dieu, ou l'homicide, par lequel on attaque la vie d'un homme déjà né. Note. La fornication a une sorte d'excuse dans la violence même de la concupiscence. Plus la passion qui entraîne la volonté est grande, moins le péché est grave. Où trouver, disait saint Augustin, de plus rudes combats que ceux de la chasteté, où continuelle est la lutte, rare est la victoire. Fin de la note. 4. Les attouchements et les baisers sont-ils des péchés mortels? Quiconque, a dit notre Seigneur, Regarde une femme avec concupiscence, a déjà commis dans son cœur le péché de fornication. Matthieu 5, 28. Les attouchements et les embrassements ne sont pas par eux-mêmes des péchés mortels, ils peuvent avoir lieu sans passion, soit à cause de la coutume du pays, soit par nécessité, ou pour un autre motif raisonnable. Cependant, ils deviennent une faute mortelle à raison de la cause qui les produit, lorsqu'une passion honteuse les inspire. 5. Les sensations nocturnes sont-elles des péchés? Les sensations impures que l'on éprouve pendant le sommeil, où le jugement de la raison n'est pas libre, ne sont point coupables en elles-mêmes. Provenant souvent de la surabondance du sang ou de la chaleur excessive du corps, elles ne peuvent être imputables que dans leur cause, lorsque, par exemple, le jour précédent, la pensée s'est arrêtée volontairement à des désirs criminels. Si la cause n'a été nullement coupable, on ne doit pas s'en inquiéter. Nous lisons, dans les conférences des pères, que le démon, pour éloigner, les jours de fête, un religieux de la table sainte, avait essayé de le troubler par des fantômes nocturnes. Aussi l'Église nous conseille-t-elle cette prière, que les songes et les fantômes de la nuit s'enfuient loin de nous, éloignent notre ennemi, qu'ils ne profanent point nos corps. Hymne du diurnal monastique et de l'ancien bréviaire romain. 6. Le stupre est-il une espèce particulière de la luxure? Le stupre implique la corruption d'une vierge qui est encore sous la garde de son père. Outre qu'il rend le mariage de la jeune fille difficile et l'expose au danger du libertinage, il trompe la sollicitude d'un père obligé de la surveiller, comme le marque cette parole de l'Esprit Saint, « Veille sur ta fille, de peur qu'elle ne t'expose à la risée de tes ennemis. » Ecclésiastique 42, 11. Pour cette difformité spéciale, ce péché forme une espèce particulière de la luxure. Note. Libre des liens du mariage, la jeune vierge n'est pas affranchie du pouvoir paternel. Le péché commis avec elle est un crime plus grand que la fornication simple, qui s'accomplit avec une femme déjà corrompue. Fin de la note. 7. Le rapt est-il une espèce de la luxure, distincte du stupre? Le rapt consiste à corrompre une jeune fille par la violence. Il est joint au stupre quand on fait violence, soit à elle, soit à son père, il en est séparé, lorsqu'il attaque une veuve ou une fille déjà criminelle. Dans l'un et l'autre cas, il est une espèce particulière de la luxure, à raison de la violence même qui le caractérise. Note. Le rapt a pour cause l'ardeur de la concupiscence. Fin de la note. 8. L'adultère est-il une espèce de la luxure distincte des autres? L'adultère, par lequel l'un des époux viole la foi conjugale, ajoute à la luxure une laideur particulière, qui en fait une espèce distincte. S'il se commet entre un homme marié et une femme qui ne l'est pas, il met en péril l'éducation de l'enfant. Si la femme est mariée, il blesse les droits de son mari et de ses autres enfants. De là ce que dit la Sainte Écriture, toute femme qui abandonne son mari et qui lui donne pour héritier le fils d'une alliance adultère pêche, d'abord, contre le Très-Haut, qui a dit, « Tu ne commettras point d'adultère », et ensuite contre son mari, à qui elle donne le fils d'un autre homme. Ecclésiastique 23, 32. Note. En parlant du mariage, dans la troisième partie, nous achèverons de traiter ce qui concerne l'adultère. Fin de la note. 9. L'inceste est-il une espèce particulière de la luxure? Abuser d'une personne à laquelle on est uni par parenté ou par alliance, c'est une espèce particulière de la luxure, à cause de la condition même de cette personne. Nous devons aux auteurs de nos jours, ainsi qu'aux personnes qui leur tiennent de près, le respect et l'honneur. Chez les anciens, selon le rapport de Valère Maxime, il n'était pas permis au fils d'aller au bain avec son père, de peur qu'il ne se visse sans vêtements. La honte naturellement attachée au plaisir de la chair ne convient point au respect et à l'honneur dû aux parents. De plus, la nécessité de vivre avec eux et avec les autres alliés serait une occasion continuelle de luxure, si, dans une famille, les plaisirs de la chair n'étaient pas spécialement interdits par la nature et par la religion. Enfin, le mariage des proches parents serait un obstacle au rapprochement et à l'amitié des familles étrangères. La charité, dont les hommes ont un si grand besoin, en souffrirait considérablement. 10. Le sacrilège peut-il devenir une espèce particulière de la luxure? De même que c'est un sacrilège de ravir les biens consacrés à Dieu, c'en est un aussi de déshonorer, pour assouvir sa luxure, les personnes consacrées à son service. Dans ce sens, le sacrilège est une espèce particulière de la luxure. 11. Le vice contre nature est-il une espèce particulière de la luxure? Le vice contre nature, que saint Paul place au nombre des péchés de la chair sous le nom d'immondicité, est une espèce distincte de la luxure. Il y a un péché d'une espèce spéciale où se rencontre une laideur particulière, et c'est ce qui a lieu dans la violation de l'ordre naturel établi pour la génération. Il en résulte que le vice contre nature, qui, suivant les divers actes par lesquels il enfreint cet ordre, prend les noms d'immondicité, bestialité, sodomie, monstruosité, est une espèce particulière de la luxure. 12. Le vice contre nature est-il le plus grave des péchés de la luxure? Le vice contre nature dépasse en gravité tous les autres péchés de la luxure. Il attaque les principes naturels qui servent de règle à la raison pour diriger les actes humains. Or rien n'est plus grave et plus triste que de nier les principes en agissant contre la nature. Après lui viennent l'inceste, qui viole le respect dû aux parents, ensuite l'adultère, puis le rapt, le stupre et la fornication simple. Le sacrilège, qui peut se rencontrer dans ces différents péchés, leur donne une malice particulière. Note. On doit, dit saint Augustin, châtier sévèrement les vices contre nature, ils font injure à la société, à la nature elle-même, et à Dieu. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.